Ndaïkeza. Vous nous captez depuis Bujumbura, c'est l'heure du journal de ce mardi avec ses grandes articulations. Après la mise en garde donnée par le chef de l'État, pour ce qui est de la lutte contre la corruption, le LUCOM veut que les paroles soient traduites en actes et la PISC Burundi invite les autorités habilitées à prendre des mesures irrelatives. Dans ce journal, nous reviendrons sur la loi relative aux violences basées sur le genre qui donne droit à l'éducation des mères célibataires. La ministre burundaise de la Justice dit que les entreprises étatiques peuvent être défendues par les avocats privés à la seule condition d'avoir une dérogation spéciale. Et dans les dernières minutes de ce journal, vous aurez droit à la chronique santé. On va vous parler du traitement qui est donné aux prématurés pour assurer leur survie après la naissance. La mise en onde est assurée par Séraphine Aguizemana. Isanganiro. Bonjour et bienvenue encore. La décision du président Pierre Nkurunziza de ne plus se représenter à un nouveau mandat en 2020 l'honore. Tel le message du président français Emmanuel Macron à l'occasion de la fête de l'indépendance au Burundi. Ce message du président français a été tweeté par l'ambassadeur de France au Burundi. On est à Mucho pour plus de détails. Dans son message du président français adressé au président Pierre Nkurunziza à l'occasion de la fête de l'indépendance du Burundi qui a été célébrée ce lundi, Emmanuel Macron a écrit qu'il souhaite que la décision de Pierre Nkurunziza de ne plus se représenter à un nouveau mandat facilite la recherche d'une solution politique à la crise que le Burundi connaît actuellement. Comme nous le trouvons toujours sur le tweet de l'ambassadeur de France au Burundi, Emmanuel Macron continue à exprimer son au Burundi à propos de l'accord d'Arusha. Sur ce point, il souhaite qu'un dialogue inter-burundais inclusif, dans l'esprit de rassemblement et de coexistence pacifique instauré par les accords d'Arusha, puisse s'engager avec l'appui des pays de la communauté est-africaine. Sur ce sujet, il souligne que c'est pour mettre en place les conditions nécessaires pour des élections libres, justes et transparentes en 2020. Toujours dans cette correspondance adressée au président Pierre Nkurunziza, Emmanuel Macron précise que la France, l'Union européenne ainsi que ses États membres soutiennent aux côtés du Burundi, des pays de la région et de l'Union africaine pour soutenir les efforts en son sens. Merci Ornella. Justice à présent, les avocats privés peuvent défendre les entreprises de l'État. Cela est dit par la ministre de la Justice dans une réunion avec les directeurs des entreprises étatiques ce mardi. Aimé Laurentine Kanyana a précisé que ces avocats privés doivent avoir une dérogation spéciale. Je vous propose de l'écouter. Les responsables des entreprises des services publics concernés qui étaient dans cette réunion ont posé beaucoup de questions par rapport à la place des avocats privés dans cette activité. Nous leur avons précisé que, en principe, les intérêts de l'État, que ce soit dans les entreprises publiques, dans les sociétés mixtes, que les intérêts de l'État sont défendus par les avocats de l'État en principe, mais que le même décret admet qu'il puisse y avoir une dérogation accordée par le ministre de la Justice à certaines entreprises sur leur demande quand cela s'avère nécessaire. On s'est alors convenu sur la façon dont on va s'organiser, les éléments qu'ils doivent fournir pour que nous puissions juger de l'état du contentieux de chaque entreprise et décider d'accorder la dérogation ou de la refuser. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le journal continue sur la radio Isanganiro. La plateforme intégrale de la société civile, PISC, estime que les Burundais devraient considérer le mot d'ordre donné par le président de la République et dénoncer les malversations et détournements. Selon Jean-Marie Nduimana, président de ce collectif, la corruption entraîne le recul du pays dans le développement. Il affirme que si le président de la République a encore une fois évoqué la question relative à la corruption, cela prouve son engagement, poursuit-il. On l'écoute. Cela a été dit au moment opportun parce que, avec la nouvelle constitution qui émane de la volonté du peuple, laquelle démontre d'une façon extraordinaire la force de toute institution républicaine. Donc, et cela nous montre que c'est le moment opportun, car les propos de Son Excellence et Pierre Nkurunziza doivent être respectés, doivent être mis en pratique, et car les institutions habilitées en matière sont déjà mises en place et ils ont fait beaucoup de choses pour que les fonds publics retournent dans les trésors publics. Nous applaudissons cela en vous disant que c'est le moment opportun de travailler ensemble pour que notre pays puisse se développer comme il faut. Le fait que le président de la République annonce une fois de plus qu'il va lutter contre les auteurs de la corruption et des malversations économiques, alors qu'il y a des institutions qui ont été mises en place pour combattre justement ces crimes économiques, est-ce que ça ne signifie pas qu'il y aurait des lacunes au niveau de ces institutions mises en place? Il n'y a pas de lacunes dans les institutions déjà en place. Le début du travail, ça peut être difficile, mais au fur et à mesure, on peut améliorer. Donc, Son Excellence, le président de la République, les messages en rapport avec la lutte contre la corruption et les infractions connexes, pour nous, ce sont des messages politiques. On s'excuse pour cette petite erreur. Vous étiez en train de suivre Jean-Marie Nduimana, président de la plateforme intégrale de la société civile. Et du côté de l'organisation Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olucom salue la mise en garde que le président de la République a encore une fois donnée aux personnes impliquées dans la corruption et détournement des derniers publics. Gabriel Ruffieri, président de cette organisation, trouve cependant qu'il est grand temps que les discours soient suivis des actions concrètes afin que ceux qui sont impliqués dans la corruption puissent être punis. On l'écoute. Les messages en rapport avec la lutte contre la corruption et les infractions connexes, pour nous, ce sont des messages politiques. C'est une bonne chose parce qu'il y a certains présidents qui n'ont jamais même prononcé ce genre de discours. Mais au yeux de l'ORICOM, les messages ne suffisent pas seulement. Pour nous, nous souhaitons que les messages soient accompagnés par des actes concrets. Je dois vous rappeler qu'ici, depuis 2005, lors de l'accession au pouvoir du président actuel, il n'a jamais cessé de prononcer ce genre de message. En 2005, il disait que tel des corrompus était brûlé. Mais pour nous, au lieu que l'hôtel des corrompus soit brûlé, il a été plutôt arrosé pour nous. Deuxièmement, en 2010, le même message est venu, mais sous une autre forme. Il avait dit aux corrompus, aux corrupteurs, qu'il n'allait pas avoir pitié aux corrompus, et donc sous le jargon de tolérance zéro. Donc, dans plusieurs occasions, le président de la République prononce ce genre de discours. On apprécie, mais ça devrait être accompagné par des actes concrets. Vous parlez des actes concrets. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pour nous, les actes concrets, c'est d'abord d'avoir des textes clairs. Les corrompus sont devenus plus forts. C'est pour cette raison que le président prononce des discours, mais malheureusement des discours qui ne sont pas suivis par des actes concrets. L'ORICOM peut le démontrer, la noire sur le blanc. Par ailleurs, parmi les indicateurs de ces faits, c'est la pauvreté extrême et la richesse qui se concentre dans les mains d'une poignée de gens. Le journal continue sur la radio Isanganiro. Les habitants de la zone Bwiza dans la mairie de Bujumbura disent craindre d'être attaqués par les maladies des mains sales. Ces derniers disent qu'ils passent au moins un mois sans que l'association qui est chargée d'enlever les déchets dans leur ménage y passe alors qu'ils continuent à payer. Ces habitants demandent à l'association de venir enlever ces déchets comme avant. Isanganiro, la radio de l'avenir. 13h10 à Bujumbura, le journal continue. Être enceinte ou engrosser son collègue de classe est en soi une punition pour l'écolier. Interdire ces dernières de poursuivre leurs études en enseignement post-fondamental consiste à punir doublement ces derniers. Ces propos sont de la coordinatrice de l'Association pour la promotion de la fille burundaise, APFB, après que le ministère, ayant l'enseignement fondamental dans ses attributions, ait pris la mesure interdisant l'accès à l'enseignement post-fondamental aux écoliers ayant mis au monde et leurs auteurs des dites grossesses. Alice Munzimana dit que la grossesse en milieu scolaire est l'échec de la communauté et les éducateurs. On l'écoute. C'est une mesure qui discrimine les enfants à suivre leur formation. C'est une mesure injuste. C'est pas une mesure qui vient pour remédier à la situation. Parce que l'enfant ne peut pas pour autant être exclu de l'école parce qu'elle est enceinte. Je dis là par rapport à l'enfant fille. Non plus, l'enfant garçon ne peut pas être discriminé parce qu'elle a engrossé la fille. Au lieu d'amener ces mesures-là, il faudrait mettre en place des mesures qui protègent les enfants. Au niveau de la PFB, ces mesures ne sont pas appropriées. C'est bien de protéger les mœurs. Mais là, punir les enfants, c'est les sanctionner doublement. La première chose, l'enfant, elle est enceinte. Grossesse, ça veut dire que c'est la société qui devrait la protéger contre ces grossesses non désirées. Et au lieu de punir les auteurs de ces grossesses, on punit les enfants. Donc c'est pas pour protéger les mœurs, c'est une mesure qui vient pour discriminer les enfants. Le fait que l'enfant soit engrossé, soit enceinte alors qu'elle est sur le banc de l'école. Donc les catégories de la population qui a failli à ces missions. Parce qu'un enfant à l'école, il a besoin d'être protégé de toute personne ou tout ce qui vient pour freiner son développement, son éducation. Je dirais que si un enfant est enceinte en étant à l'école, ça veut dire que c'est au niveau de la société là où elle vit, on a failli. C'est au niveau de l'école, il y a défaillance. C'est l'entourage, il y a défaillance. L'enfant à l'école devrait être protégé. C'était Alice Munzimana, coordinatrice de l'APFB. Et sur ce même sujet, les écoles ont l'obligation de faire respecter le droit à l'éducation des mères célibataires. La loi relative aux violences basées sur le genre montre que les responsables doivent veiller au respect de ce droit. Cette loi explique qu'une violence basée sur le genre est tout acte dirigé contre une personne en raison de son sexe, ce qui cause ou peut causer notamment une souffrance économique. Alain Désiré, Okeyenet. La loi relative à la prévention, la protection des victimes et répression des violences basées sur le genre définit une violence basée sur le genre comme tout acte dirigé contre une personne en raison de son sexe et causant ou pouvant causer un préjudice ou une souffrance physique, sexuelle, économique, psychologique ou affective. Il ressort de ce texte que tout parent ou toute autre personne en charge de l'enfant a l'obligation de réserver un traitement égalitaire aux garçons et aux filles dans tous les aspects de la vie dès le bas âge. Il est tenu à ce sujet de le protéger contre toutes les situations susceptibles de l'exposer à la violence basée sur le genre. Les responsables des écoles prennent des dispositions nécessaires pour permettre l'égal accès à l'éducation aux filles et aux garçons et doivent veiller à ce que soient éliminés dans les supports pédagogiques les stéréotypes sexistes ou discriminatoires. Au terme de cette loi de 2016, les directeurs des écoles ont l'obligation de faire respecter le droit à l'éducation des mères célibataires. Ainsi, ils doivent prendre des dispositions qui s'imposent pour les protéger contre la stigmatisation et l'exclusion sociale de la part des éducateurs, enseignants, professeurs ainsi que leurs condisciples. Les responsables des établissements scolaires et académiques doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prendre en charge les écoliers, élèves et étudiants qui sont victimes des violences basées sur le genre. Radio Isanganiro, chronique santé. La chronique santé de ce mardi nous parle toujours des prématurés, qui sont des enfants qui naissent avant 37 semaines de grossesse. Il s'agit d'une naissance qui peut entraîner de nombreuses complications, entre autres des difficultés de respiration selon le pédiatre néonatologue Terence Naurishira. Ces prématurés ont besoin d'une surveillance médicale plus particulière, d'où la nécessité de faire recours à des structures spécialisées. Mais le docteur Terence Naurishira va nous proposer une autre méthode pour aider ceux qui sont loin des hôpitaux modernes. Chronique santé avec Francine Ndokugayo. Nous vous avons parlé dernièrement des enfants prématurés qui naissent avant terme. Le pédiatre néonatologue Terence Naurishira, qui l'a prise en charge de ces bébés fragiles, exige un traitement un peu particulier. Il faut qu'il y ait une assistance immédiate, donc respiratoire, en cas de détresse respiratoire, puisque tous les prématurés ne sont pas nés en détresse respiratoire. C'est-à-dire qu'on les aide donc à l'adaptation à la vie aérienne, puisque maintenant leurs poumons ne sont pas encore mûrs pour s'adapter à la respiration. Deuxième chose que l'on fait, c'est une assistance thermique. La chaleur chez les enfants, c'est un facteur très important. Ils ont tendance donc à avoir de l'hypothermie. L'hypothermie, c'est la diminution de la température corporelle. Donc, il aggrave la détresse respiratoire. La détresse respiratoire engendre d'autres problèmes. Donc, il faut lutter contre l'hypothermie. Tout ça, ça se fait dans un milieu bien sûr approprié. Un enfant prématuré est exposé à différents problèmes, étant donné que ses fonctions sont immatures. Si je cite bien sûr les poumons, qui ne sont pas encore matures, qui sont susceptibles d'avoir des complications. Deuxième catégorie de complications, c'est la complication vasculo-cérébrale. On a tendance à avoir des complications comme les hémorragies au niveau du cerveau. Il y a une sorte de vascularisation qui est un peu intense et ces vaisseaux se cassent et après on a l'hémorragie qui est là et bien sûr avec les conséquences neurologiques qui peuvent se gêner. Il y a la paralysie cérébrale. Donc la paralysie, c'est peut-être la dernière complication qui est aussi une complication qui donne des séquelles à long terme. Souvent, ce genre d'enfants sont obligés d'être suivis dans des centres spécialisés neurologiques pour adapter, donc des centres de réadaptation, pour pouvoir s'adapter à la vie normale. Donc ils grandissent avec ces séquelles à long terme, même jusqu'à l'âge scolaire. La prise en charge devrait se faire dans un milieu spécialisé, selon toujours le docteur Terence Naurishira. Mais il propose ici une autre méthode qui pourrait aider ceux qui sont loin de ces structures. La mère doit porter l'enfant devant, c'est-à-dire son corps contre le corps de l'enfant, c'est-à-dire sur la poitrine. L'enfant dort sur la poitrine, même si la mère se lève pour faire quoi que ce soit, ou marcher ou faire autre chose, garder l'enfant. C'est comme maintenant on porte l'enfant sur le dos, mais c'est-à-dire l'inverse, on porte l'enfant sur la poitrine et on le couvre un peu. La partie interne, on la laisse que le corps de la mère contacte avec le corps de l'enfant et l'échange de la chaleur, de température permet à l'enfant de garder à la fois et la température corporelle normale, mais aussi l'échange psychologique, comme si l'enfant restait toujours ventre de sa mère, alors que l'enfant peut toujours téter, donc peut toujours faire les mouvements avec cette méthode. Plusieurs facteurs vont être analysés par l'équipe médicale pour voir si l'enfant prématuré peut rentrer à la maison. Il aura besoin d'un suivi particulier en famille dans le respect des recommandations du médecin. Merci Francine pour cette chronique et c'est par elle que nous terminons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.